vie, c'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas à vous. C'est même le bazar pour moi, je me demande si c'est la même pour vous. Mon parcours il est long et marqué par des séparations. J'ai pas trop le choix, vais-je un jour devoir me séparer du son? Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend, parce que dans le fond c'est con, mais on n'a jamais le temps. Dans ma tête j'évite les écarts, c'est toujours rap et action. Après l'installation souvent je me demande à quand la séparation. Du rap j'en écoute et j'aime ça depuis l'âge de 7 ans. Avec Adri et Jérém on s'improvisait rappeur de temps en temps. À 12 ans mes premières lignes avec Mathieu et Alban. Mes textes n'avaient aucun intérêt mais j'en étais déjà très content. À peine 19 ans sur ma route j'ai perdu de vue des potes entraînés par la vie. Mais je n'oublie personne car grâce à eux je suis ce que je suis. Je pourrais pas tous les citer, 16 mesures j'ai pas la place. Mais dans ma tête et dans mon cœur aucun visage ne s'efface. On s'éloigne peu à peu, on se revoit peu et puis on se connaît plus. À force j'ai plus envie de m'attacher, indifférent je suis devenu. Donc y'a qu'à lui que je m'accroche, mais même mon rap pourrait se barrer. J'écris ma vie et je navigue avec, mais sans lui je redoute de dériver. C'est donc peut-être la dernière fois que je rappe ou qu'on m'écoute. Je ne sais pas où je vais, il suffit de peu pour que je sois out. Et c'est comme ça, faut faire comme si, faut pas trop y porter attention. Mais moi j'ai mal quand je repense à toutes ces séparations. Séparation, te tombe dessus sans préparation. Et c'est qu'après tu vois que ça va faire cher en réparation. Elle crée la rancœur en toi et autour toi. Demande à mes darons, ils te répondront sûrement mieux que moi. Pourquoi on ne sait pas, ça se fait comme ça pour un sale coup. Parce que c'est la vie qui veut ça. Un pote d'enfance que t'as perdu de vue. Si tu le voyais, tu le reconnaîtrais peut-être même plus. Comme dans les films, séparation sur le quai de la gare. Car ton train de vie n'est pas celui que tu devrais avoir. Une séparation se fait généralement dans la douleur. Toujours des souvenirs en noir et blanc et jamais en couleur. Je vais pas toute ma vie écrire sur des bouts de papier. Car je suis bloqué à la case départ, il faudrait me dépanner. Me séparer de ma famille, de mes proches, de mes potes, du rap, des sœurs, j'y paf, c'est sûr, j'y passe. La vie c'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas à vous. C'est même le bazar pour moi, je me demande si c'est la même pour vous. Mon parcours il est long et marqué par des séparations. J'ai pas trop le choix, vais-je un jour devoir me séparer du son? Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend. Parce que dans le fond c'est con, mais on n'a jamais le temps. Dans ma tête j'évite les écarts, c'est toujours rap et action. Après l'installation souvent je me demande à quand la séparation.